Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est l'heure de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. On se souvient de La vie quotidienne en Crète au temps du roi Minos, rédigée par Paul Fort. La vie quotidienne au temps d'Homère, ou celle des pyramides, mais aussi celle des Aztèques, à la veille de la conquête espagnole, publiée voici 60 ans par Jacques Soustelle. À cette grande série d'ouvrages en manquait un, La vie quotidienne au temps de Néandertal. Le Salon Noir a donc décidé de combler ce grave manque avec Marie-Hélène Patou-Matisse. Bonjour. Bonjour. Un tel thème était-il possible voici un demi-siècle? Rien n'est moins sûr. En revanche, les récentes avancées de la recherche, celles des fouilles et des découvertes, celles aussi de la paléogénétique, nous permettent aujourd'hui d'appréhender cette période si lointaine. Directrice de recherche au CNRS, Marie-Hélène Patou-Matisse, le titre de votre équipe, Comportement des Néandertaliens replacés dans leur contexte paléoécologique, en dit long sur vos recherches. En tout cas, Marie-Hélène Patou-Matisse, en ces temps bien reculés, une chose est sûre, la vie quotidienne des Néandertaliens ne devait pas être rose. Oui, certains le pensent, mais on peut débattre. Je pense que c'est une vision qui perdure, qui s'enracine dans le 19e siècle, où d'ailleurs Néandertal et les autres hommes préhistoriques étaient considérés comme des pauvres êtres perdus dans une nature hostile. Alors pourquoi spécialement Néandertal ? Est-il la victime de l'anthropologie physique, l'anthropologie biologique de nos jours? Oui, parce que Néandertal, bon, c'est quelqu'un qui est très différent d'apparence, et l'apparence compte beaucoup, voilà, il avait un crâne projeté en avant, il avait des grosses orbites, il avait des arcades sourcilières marquées, voilà, il faisait un peu singe, et donc cette apparence l'a desservi, et on pense souvent une apparence un peu simiesque, ça veut dire comportement simiesque, donc voilà, il a été considéré un peu comme inférieur. Puis Néandertal fut découvert probablement trop tôt, le premier homme de Néandertal est exhumé en 1856, avant l'exposé donc de Charles Darwin sur l'évolution. Oui, je crois que ça a fait beaucoup. D'ailleurs, on avait découvert à Gibraltar avant, aussi des restes de Néandertaliens, mais on les avait pas considérés comme tels. Vous savez, au départ, les ouvriers qui fouillaient à Néander, on pensait que c'était des os d'ours. Dans des cavernes qui étaient connues, on avait beaucoup d'os. Et donc au départ, vous voyez, c'était même pas un homme, c'était voilà un ours des cavernes. Et ensuite, bien sûr, montré après à des anatomistes, ça a été considéré comme des restes humains, mais pathologiques, dégénérés. Et, donc voilà, c'était déjà une vision extrêmement négative de Néandertal. Et en plus, il était hors contexte, c'est-à-dire que il était seul, il y avait que des ossements de ses restes. Et il n'y avait pas d'outils, il n'y avait rien avec. Donc il n'y avait pas de contexte non plus archéologique. Il est resté longtemps une bête. Oui, il est resté longtemps une bête, mais je pense que c'est aussi cette notion, pendant très longtemps, de classification, où on aime bien ranger dans des tiroirs, voilà, les êtres, les mettre sur des échelles, vous voyez, les êtres vivants, les inférieurs, les supérieurs, les mieux, les moins bien. On aime bien ces hiérarchisations, ces classifications. Donc voilà, c'était un être, il était peut-être dans notre famille, mais assez lointain, et puis, voilà, pas très malin, quoi. L'anthropologue américain Marshall Salins a été le premier à contredire cette vision misérabiliste au travers d'un ouvrage devenu célèbre, Âge de pierre, âge d'abondance. C'est un beau titre. Moi, je pense que c'est pas tout à fait faux quand on regarde à certaines périodes. Il y a des périodes, il n'y a pas que des périodes très froides. Si on prend l'Europe, bon, moyenne, hein, c'est-à-dire ni trop au nord, ni trop au sud. L'Europe moyenne, bon, bah, là, il y avait beaucoup de végétation pendant les périodes tempérées, il y avait beaucoup d'animaux. Je ne crois pas qu'il y avait pénurie de gibier. Il y a un vaste territoire avec une très forte présence d'animaux et une faible présence humaine. La démographie est extrêmement faible. Je pense que c'était plutôt une période, en tout cas au niveau de la subsistance, de l'alimentation, une période d'abondance. À vos yeux, peut-on parler réellement d'économie? On s'entend bien sûr d'économie primitive. C'est vrai que je l'emploie, hein, parce que l'économie basée sur la prédation, ça m'arrive souvent d'employer ce terme. Mais l'économie, c'est un sens quand même très moderne, c'est très structuré. Je pense que je préfère pour ces périodes-là où on n'a pas de texte, où on n'a pas de gestion justement de ces animaux sauvages qui sont abattus, qui sont consommés. Je préfère voilà des comportements de subsistance, des comportements alimentaires, plutôt que de parler d'une économie. Si on prend au sens strict de l'économie de prédation, bon, si on assimile ça, voilà, il y a la prédation, on va passer après la production. Bon, de l'économie de prédateur, l'économie de producteur. Mais sinon, je pense que là, il faut être raisonnable et penser en termes plus de comportement alimentaire, donc un comportement de prédateur, c'est-à-dire qu'on prend sa nourriture dans le milieu naturel. On produit dans la limite de ses besoins et bien sûr, on ne travaille pas plus pour gagner plus. Ah ça, c'est sûr que non. Donc c'est pour ça aussi que de voir cette vision un peu noire de la vie de nos ancêtres, bon, ça serait peut-être à repenser. Peut-être que d'un point de vue matériel, encore faut voir. Est-ce que le bien, justement, la nécessité d'avoir beaucoup de bien est forcément corrélée à plus de bonheur? Je ne suis pas profondément convaincue. Donc, mais pour revenir aux Néandertaliens, voilà, je pense qu'à certaines périodes, dans certaines régions, c'est une vie relativement facile, de chasseurs-cueilleurs. Donc, ils trouvaient dans la nature tout ce dont ils avaient besoin. Qu'à certains moments, à certaines périodes, il y a des moments un peu plus difficiles, certains hivers un peu plus durs à passer. Mais vous savez, les périodes historiques, on en a plein. La famine était quelque chose de courant chez nous il n'y a pas encore si longtemps. On a des périodes historiques en Europe et même en France. Donc En tout cas, il faut garder raison présente, ce n'est pas un âge d'or. Non, c'est pas un âge d'or. Parce que les préhistoriens ont voulu aussi d'un côté en faire un âge d'or. Exactement, c'est pas, pour moi, je vais vous dire, c'est ni un âge d'or, ni les eaux cruelles. Voilà. C'est-à-dire qu'on est, quelque part entre les deux. Et je vais vous dire honnêtement, je crois que pour moi, ça n'a pas d'intérêt de savoir si les Néandertaliens étaient inférieurs ou supérieurs à nous, et si de savoir si ces périodes étaient mieux que la nôtre. Vous savez, il y en a pour certains, c'est toujours mieux avant. Il y en a pour d'autres, c'est toujours mieux plus tard. Donc, je crois que là aussi, il faut justement raison garder et ne pas vouloir le faire. Je crois que nous, nos recherches, nos passions, c'est de retrouver ces comportements, quels qu'ils soient, et pas de dire c'est mieux, c'est moins bien. En tout cas, replaçons notre individu dans sa chronologie et dans la chronologie de l'humanité. Néandertal, c'est 300 000 ans d'humanité. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que, en fin de compte, ce qui est intéressant avec les Néandertaliens, c'est qu'ils ont quand même, ils vivent très longtemps. Nous, actuellement, en tant qu'espèce, Homo sapiens, on n'a fait que 200 000 ans. Donc, je ne sais pas dans 100 000 ans dans quel état on sera. Ça, c'est une autre question. Mais toujours est-il, voilà, donc c'est quand même un temps long. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les Néandertaliens naissent en Europe. Donc, descendent des Erectus qui sont arrivés en Europe et qu'on, maintenant, on arrive bien à situer probablement les Elderbergensis, pas facile à prononcer. Et donc, mais ils sont vraiment européens. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une grande vie, si j'ose dire, en Europe. Et puis, une partie va quand même partir au Proche-Orient et ils vont s'installer à peu près vers 120 000 ans. Et là, ils vont, et ça, c'est important, on oublie souvent de le mentionner, ils vont cohabiter sur le même territoire, je ne parle pas d'une cohabitation peut-être côte à côte, mais en tout cas sur le même territoire avec des proto-sapiens, avec des proto-cromagnons. Et ça, c'est intéressant. Avec nous. Avec nous. Avec nos ancêtres, tout à fait. Et ça, c'est important. Parce que quand ils arrivent, il y a déjà. Ils sont là. C'est l'inverse de ce qui va se passer plus tard. Plus tard, on va voir arriver les sapiens en Europe, ils vont arriver, les Néandertaliens vont les voir arriver, ils viennent du Proche-Orient, paf. Alors que là, c'est l'inverse. Donc ça, c'est intéressant. On le dit, gros mangeur de viande rouge, celle dont l'OMS vient de nous dire qu'elle était cancérogène. Oui, alors en ce moment, la viande, on en parle beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a eu des analyses, notamment biochimiques, qui ont bien montré l'importance de la viande dans le régime alimentaire des Néandertaliens et des premiers hommes modernes d'ailleurs. Les Taurinéaciens et les premiers hommes modernes sont aussi, Magdaléniens aussi, sont quand même des mangeurs de viande. Alors, ce qui était au départ intéressant, c'est de se dire, bon, c'est normal, il y a les périodes froides, il n'y a pas beaucoup de végétaux. Surtout que vous savez, les protéines végétales, il faut quand même qu'elles soient abondantes. Et c'est surtout dans des noix, dans les noisettes, dans les racines. Bon, et là, c'est vrai que période froide, donc, c'était un peu normal. Mais sauf que, en fin de compte, on s'aperçoit que ça peut être aussi dans les périodes plus tempérées. Donc, c'est pas lié au fait qu'il y a plus ou moins de végétaux. C'est tout le temps, c'est quand même, disons, la majeure partie de leur alimentation, leur consommation, c'est de la viande. Mais pas que. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fin de compte, on s'est aperçu maintenant, avec d'autres moyens, notamment parce que beaucoup nos techniques progressent, c'est ça qui est passionnant, parce qu'il y a plein de choses qui, non seulement des découvertes, mais aussi les moyens techniques d'analyse, la méthodologie, puis les moyens techniques, les machines, qui nous permettent d'analyser. On s'aperçoit, par exemple, avec les micro-traces dans les dents, qu'il y a consommation de végétal. Ça, on s'en serait un peu douté, mais maintenant on a la preuve, et probablement, de façon assez coutumière, beaucoup des graminées, aussi du sorgho et tout, parce qu'on a fait sur des années sur le Proche-Orient, et aussi Aspi, par exemple, ou à Per, en Ardèche, sur des sites d'Europe. Et on s'est aperçu qu'il y avait consommation de végétaux, et chose intéressante, comme à Per, par exemple, non seulement il avait consommé, mais cuit. C'est-à-dire que, c'est avec les traces d'amidon, etc., on a mis en évidence qu'il y avait des graminées sauvages, probablement, donc, qui avaient été cuites, alors probablement bouillies. Alors, est-ce qu'ils ont fait même des galettes? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'ils ont mangé. Alors, là, l'image change un peu, parce que la vision, vous voyez, de Néandertal en train de manger un cru, un morceau de viande, et puis là, d'un seul coup, il se fait peut-être des galettes de céréales, enfin, de graminées. Là, ça surprend. Donc, vous voyez, on a maintenant plein d'indices. Ils ont mangé des fleurs de nénuphar. Donc, c'est drôle de voir que, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a une consommation plus importante d'autres produits. Alors, on reste aussi des fois dans les protéines animales, c'est-à-dire qu'on va avoir une consommation même des mammifères marins échoués sur les plages, et aussi des poissons, bien sûr des petits animaux comme les lièvres et tout, des oiseaux. Donc, d'un seul coup, on a une panoplie, si j'ose dire, une variété dans l'alimentation. On pensait qu'avant, les Néandertaliens, et même moi-même, je le pensais, étaient essentiellement des mangeurs de viande, et on s'aperçoit, bien sûr, qu'ils restent majoritairement à manger des protéines animales, mais on s'aperçoit que le végétal est présent, et donc ça, c'est un fait très intéressant et très important. Et très nouveau. Puisque vous êtes archéozoologue, vous avez dû voir à la lumière des fouilles ce qu'ils mangeaient le plus fréquemment. Oui, alors c'est dans les fouilles au niveau des ossements là, d'animaux, quelque chose qui m'a étonnée, j'ai étudié plus de 450 sites dans toute l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, alors il est incertain, et donc j'ai constaté qu'il y avait un animal qui était récurrent, qui revenait, c'est le cheval. En fin de compte, le cheval est souvent, bien sûr, il y a des endroits où il n'a pas été consommé, mais il est quand même omniprésent. Il y a aussi un autre animal, bien sûr, qui revient fréquemment, c'est le bison. Il y a le renne ou le cerf dans les régions plus méridionales ou pendant les phases tempérées. Donc, on a quand même à peu près, on a une grande variété dans l'environnement d'animaux, mais on a des chasses orientées. C'est-à-dire que ils vont dans leur environnement, ils vont y avoir un peu d'opportunisme comme tout à chacun, mais ils vont s'orienter sur telle ou telle espèce ou sur une ou deux espèces. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. On va avoir vraiment des groupes des Néandertaliens qui vont être plutôt des chasseurs de rennes ou des chasseurs de chevaux et d'autres inversement. Et je pense que ça, c'est très culturel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous êtes né dans un clan qui est un chasseur de cheval. Et un paysage. Et un paysage et un chasseur de cheval, parce que votre tradition, votre savoir-faire, ce qu'on vous a appris, c'est à chasser un cheval. Parce qu'on ne chasse pas du tout un cheval comme on chasse un renne. Je préfère chasser le renne. Je vous dis tout de suite, j'aurais peut-être plus de chances de manger que le cheval. Pourquoi? Parce qu'on difficile. On l'attrape dans le troupeau au oui, hasard. Oui, voilà. Et puis le renne, il est très grégaire, il est bien dans le troupeau. Les chevaux sont très alarmés très rapidement. Ils vont très très vite, ils courent beaucoup. Donc c'est plus difficile. Il faut les piéger. Enfin, on n'a pas le temps de développer, mais il y a des choses formidables que j'ai vu constater dans des sites en Crimée, où il y a vraiment des lieux propices pour capturer ces chevaux ou des petits chevaux qui leur ressemblent. Un peu à l'image du mythe de Solutré, avec les chevaux qui tombaient du haut de la falaise. Voilà, sauf qu'ils ne tombent pas du haut de la falaise, même à Solutré, mais par contre, le fait de les envoyer dans des goulots d'étranglement ou bien dans des vallons fermés, ça c'est vrai. Moi, sur un site à Staroselie en Crimée, c'est un vallon fermé, donc on envoie les petits chevaux, on les pousse vers ce vallon, ils sont piégés parce qu'on met quelques chasseurs et quand ils veulent revenir, ben, y a les chasseurs qui les abattent. Transculture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Marlène Patoumatis, toutes les idées sont bonnes à évoquer. Un chercheur disait que l'absence d'apport en oméga 3 aurait dû être un frein à l'évolution de l'homme de Néandertal. Oui, c'est un petit peu comme tout à l'heure, on parlait de l'importance de la viande et maintenant il faut plus manger de la viande, ou au contraire, il y en a qui disent qu'il faut faire un régime paléo. Donc vous voyez, il y a tout et son contraire. Ben là, donc, dans cette tendance-là, on a vu sortir comme ça des papiers en disant ils ne mangeaient pas d'oméga 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas manger notamment des poissons gras. Le macro. Le macro, oui. Et là, on s'aperçoit que ça, c'est une idée complètement erronée maintenant, parce que il y a des endroits où on a des consommations de poissons d'eau douce, bien sûr, principalement, mais même aussi, on a des oméga-3 dans autre chose que les poissons, et on a des preuves maintenant qu'il y a une grande consommation, bien sûr, en bordure de mer, de coquillages, des moules. Donc, je crois que là, il faut faire aussi attention à des fois des choses un petit peu rapides. Vous savez, on a même dit, c'est parce qu'en Espagne, ils se sont éteints parce qu'ils mangeaient, ils chassaient pas aussi bien les petits lapins que les Cro-Magnons, que les hommes modernes. Bon, c'est quand même, soyons sérieux. Donc, je pense qu'il faut faire un petit peu attention que là, si on parle d'une extinction, c'est-à-dire quelque chose à grande échelle, d'une disparition, c'est pas parce qu'on n'a pas mangé de poisson, enfin, qu'ils n'ont pas mangé de poisson. Donc, je pense qu'il faut revoir ça. Et les nouvelles méthodes d'analyse montrent justement que l'alimentation est beaucoup plus variée, diversifiée. Je vous dis, ils mangeaient, voilà, plein de coquillages marins, donc des produits. Ils mangeaient des gastéropodes terrestre aussi, donc non, je pense qu'il faut revoir ça. L'intelligence du chasseur et l'union faisant la force, doit-on imaginer de grandes chasses collectives à l'image de ces gravures tchèques des années 70 représentant quelques rhinocéros laineux piégés dans quelques trous avec des pieux? Oui, enfin, ça, c'est les images de Burian. Et c'est vrai, c'est des choses magnifiques qui ont fait rêver, qui ont peut-être même provoqué des vocations. Des vocations, exactement, des préhistoriens. Mais non, je crois plus sérieusement pour, en tout cas, là, je parle pour les Néandertaliens, peut-être les Magdaléniens, on pourrait repenser. Mais les Néandertaliens, moi, je vois pas trop des choses collectives. C'est plutôt le groupe lui-même qui pour moi, tout le monde chassait, hein, je pense. Et il y a beaucoup d'endroits, de sites où on voit que c'est plutôt une réflexion sur justement les lieux propices de chasse. Et on va plutôt style rabattage. Voilà, une espèce de battue, de rabattre les animaux, aussi d'embuscade, c'est-à-dire qu'on se poste. Moi, j'ai vu à Kabasi, là aussi en Crimée, voilà, il y avait un endroit propice où ils se cachaient en embuscade et ils attendaient la venue du gibier. Et donc, il y a vraiment plutôt cette chasse que des grandes chasses comme ça, à plusieurs clans. Ça, on n'a pas du tout de preuves de ça. Pourquoi pas? Mais en tout cas, on n'a pas de preuves. On a plutôt des choses, avec souvent, d'ailleurs, une ou deux bêtes seulement qui est tuée. C'est ça qui est intéressant aussi. On a des fois des sites qui nous donnent l'apparence qu'il y a peut-être eu un abattage massif. Mais moi, je suis toujours très circonspecte parce qu'en fin de compte, vous savez qu'en archéologie, il n'y a les palaces de sol. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, malheureusement, même si la fouille est très belle, surtout des sites en grande, mettre en évidence un seul sol d'habitat. On a souvent plusieurs sols. Donc, cette succession, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est d'année en année? Est-ce que c'est sur 100 ans? Donc, on a une accumulation comme ça de matériel. On a l'impression que c'est un bloc. Donc, on dit, oh là là, ils ont quand même tué 18 rennes ou ça. Donc, c'est une chasse massive. Mais non, comment on peut dire ça? Puisqu'on ne sait pas si c'est un événement ou plusieurs événements. Parce que ça, c'est très tendance maintenant, d'un seul coup, les abattages massifs. Je vois ça partout en ce moment dans les publications. Et je suis toujours embarrassée parce que tous les sols ne sont pas malheureusement comme les sols de Pincevent. Marianne Patou-Matisse, la pointe moustérienne est ce que je mets au bout de mon bâton pour tuer l'ours, disait un grand préhistorien. Qu'en est-il de la technologie de la culture de Néandertal, ce que l'on nomme moustérienne? La part des innovations durant ces époques devait être très faible. C'est pas vrai, parce que plus ça va, là aussi, plus nos collègues qui travaillent sur toute l'industrie lithique, sur les outils en pierre, ont montré une grande diversité, bien sûr qu'il y a le socle, hein. On a deux grands socles, un grand socle, c'est le socle moustérien, qui est plutôt occidental, et le grand socle, qui est mycoquien, qui est plutôt oriental. Contrairement d'ailleurs à un site éponyme de la mycoque qui pourrait faire confusion, mais en réalité. Et à l'intérieur de ça, il y a plein de, ce qu'on appelait avant faciès, il y a plein de traditions qui montre une grande variabilité, une grande variété de ces traditions aussi, et qui sont un peu en fonction de justement de la géographie. On a presque des traditions régionales. Et donc une plus grande variabilité qu'on ne le pensait. Ensuite, vous savez, ils sont les inventeurs de la technique levalloise, donc c'est quelque chose d'important. Hein. C'est, bien sûr, c'est toujours par percussion, on sent des éclats et on retouche ces éclats. Un objet préconçu dans le cerveau. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne opératoire qui est dans le cerveau et qui, voilà, c'est-à-dire que vous voyez la pierre brute et vous voyez ce que vous voulez obtenir. finir, par exemple, c'est un racloir, ceci, divergent, etc., eh ben, vous allez faire une chaîne opératoire qui va mener pour obtenir un objet standardisé. Exactement, qu'on peut, donc voilà, qu'on a plusieurs. Mais on a découvert aussi, et ça c'est quand même très intéressant, qu'ils faisaient du laminaire, ils pouvaient le faire. À Seclin, il y a 100 000 ans, ils ont fait du laminaire. Donc des objets très longs. En lame, voilà, exactement. Et ils ont abandonné parce que peut-être c'était pas leur truc, etc. Donc il y a plus de variété. Et si on prend, là, c'est les périodes que je travaille, sur lesquelles je travaille beaucoup, sur ce qu'on appelle, entre guillemets, quand on ne sait pas dénommer, on dit transition. Il y a des périodes de transition, vous savez, entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. On appelle châtel-péronien, élusien, qu'on appelle Stresskanskaya, zélétien, etc. Toutes ces industries, en fin de compte, probablement qu'il y a une partie, ce sont les néandertaliens qui les ont faites. Et là, on a, d'un seul coup, ce qu'on appelle des outils typiquement paléo-sup, paléotique supérieure, qui apparaissent. Donc, vous voyez, il y a plein de, c'est plus complexe. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas quand même, ce qu'on va voir avec les sapiens, le développement de toute l'industrie et l'armement, donc en os et bois de renne, les sagaies, etc. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons la vie quotidienne de Néandertal avec Marilène Patou-Matisse, directrice de recherche au CNRS. Qu'en est-il du comportement des Néandertaliens replacés dans leur contexte paléo-écologique? En un mot, quel était le quotidien de ces hommes et femmes, vivre de grotte en grotte pour se protéger des frimas polaires? Oui, là aussi, on est dans l'image d'Épinal, mais là aussi, ça fait partie de ce que j'appelle le folklore, qui est toujours sympathique. Hein. C'est beaucoup plus, là aussi, diversifié. Si vous regardez à travers toute l'Europe et en plus le Proche-Orient, il y a une grande diversité. On s'imagine toujours, et c'est vrai que c'est un habitat le plus très très fréquent, les Néandertaliens dans les grottes. Mais les Néandertaliens, ils ont été aussi en plein air. Et comme vous le savez très très bien, vous connaissez l'archéologie, les sites de plein air sont pas faciles, forcément bien conservés, faciles à retrouver, beaucoup moins que les grottes. Donc là aussi, il y a une perte. À cause non pas de la non-réalisation par les Néandertaliens de ce campement, mais parce que, bon, c'est des problèmes d'urbanisme, qui vont détruire bien avant qu'il y ait l'INRA pour sauver tout ça. Donc, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y avait les abris, les grottes et aussi les campements en plein air. Quand on parle de nomades, il faut pas que les gens s'imaginent que tous les jours, ils prenaient leur baluchon et qu'ils allaient dans une grotte voisine. Pas du tout. C'est saisonnier. C'est-à-dire que c'est des déplacements, là aussi, et comme il se passe encore il n'y a pas si longtemps avec les chasseurs-cueilleurs, c'est en fonction de la saison, de la grande saison. Et donc, il y avait ces déplacements parce qu'autour d'eux, les ressources étaient épuisées avec l'hiver. Et tout. Donc, on se déplace, évidemment. Mais là aussi, vous voyez, c'est quelque chose de plus... Il y a des campements qui sont extrêmement aménagés. Donc on a de tout, il y a des fois au contraire c'est très fugace parce qu'on s'aperçoit que c'est peut-être une halte de chasse. On a dès ces périodes-là aussi différents types d'habitations. Les habitats vraiment de ce qu'on appelle un peu de longue durée, des haltes de chasse. On a mis en évidence, on a fait un gros travail avec Marie-Anne Julien, doctorante, sur le fait qu'il y avait des sites d'abattage et de boucherie. C'est-à-dire que voilà, des fois on tombe sur ça, on tombe pas sur l'habitat. Et on a vraiment une organisation de l'espace, même du territoire, une gestion de ce territoire qui apparaît et qui est marquée, surtout là je parle bien sûr pour les Néandertaliens classiques, donc la dernière période, on va dire à peu près 100 000 ans jusqu'à 30 000 ans. Donc vous voyez, c'est très varié. Une plus grande diversité. Il y a environ 20 ans, se développait aux États-Unis une nouvelle orientation de la recherche, la gender archéologie, l'archéologie des genres, l'archéologie des sexes. Que dire sur cette archéologie des femmes néandertaliennes? Là, c'est comme pour Néandertal qui a subi aussi beaucoup de mauvaises visions pendant longtemps. Ben là, l'histoire de la femme préhistorique et la néandertalienne, elle subit la même chose. C'est-à-dire que elle est basée sur une vision du 19e siècle et de la femme au 19e siècle. La condition de la femme au 19e siècle, c'est quand même dans la sphère domestique. Donc, c'est évident que tout de suite, on a dit, les femmes étaient là pour balayer la grotte. Hein. Bon, j'exagère, mais pas beaucoup. Et pour garder les enfants et faire des enfants, ça c'est clair. Mais en fin de compte, rien ne prouve ça. C'est-à-dire que là, vraiment, aucune preuve archéologique ne vient démontrer ça. Alors, on se base là aussi sur un comparatisme à ce qui se fait. Mais attendez, ce qui se fait où, quand, comment, on a toutes les... Là aussi, c'est pas partout pareil. On a regardé aussi chez les peuples chasseurs-cueilleurs. Donc voilà, la femme à la cueillette, l'homme à la chasse. Mais c'est pas parce que ça a été comme ça chez les chasseurs-cueilleurs compte une longue histoire, qui sont pas des préhistoriques comme ça, fossilisés, ça veut pas dire que c'était comme ça avant. Je veux dire, rien ne prouve. Quand on regarde l'anatomie des Néandertaliennes, les humérus masculins, il n'y a pas de différence fondamentale au niveau des insertions musculaires. Il y a toujours un bras plus développé que l'autre, qui montre peut-être qu'elle maniait aussi un armement, comme une lance. Donc, on n'a pas de preuves. Ce qui a eu intéressant grâce à l'ADN ancien, c'est que El Cidron, un site où on a trouvé 13 squelettes de Néandertaliens, apparentés. C'était les mêmes familles. Alors, ils ont été mangés, ça, c'est un petit parenthèse. Donc, il y avait du cannibalisme. Et ce qu'ils ont montré, c'est que probablement, c'est patrie locale. C'est-à-dire que c'est les femmes qui venaient. Donc, peut-être, il y a cette tradition de la femme. Et en fin de compte, cette femme locutrice, cette femme qui, puisque c'est elle qui bouge de clan en clan, et donc qui va amener d'autres cultures, qui va amener d'autres, peut-être d'autres dialectes, qui va transmettre comme ça. Et ça, c'était pour moi assez intéressant de voir que c'était cette patrie localité. C'est-à-dire l'homme reste dans son clan et c'est l'exogamie. La femme. Bien sûr, l'exogamie, bien sûr. Et aussi le fait que... Donc l'ouverture sur l'extérieur. L'ouverture sur l'extérieur, les échanges entre groupes, ça c'est fondamental. Il vaut mieux, pour la reproduction, pour avoir la descendance, il vaut mieux être bien avec ses voisins. Reste ce qui est pour moi un grand mystère. Néandertal pensait-il comme nous ? Rien n'est moins sûr. Moi, je pense qu'il ne pensait pas comme nous. Ça serait triste, d'ailleurs, s'il pensait comme nous. Mais de toute façon, il ne peut pas penser comme nous, puisqu'il n'est pas du tout dans les mêmes contextes. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un monde qui est un monde de nature. Toutes vos ressources viennent de la nature. Toute votre cosmogonie tourne autour de la nature. Donc, je pense que c'est déjà très, très différent. Premièrement. Et puis deuxièmement, alors là, je reviens un petit peu, si vous le permettez, sur l'anatomie. C'est qu'en ce moment, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de voir ça avec un spécialiste de la neurologie, c'est que quand même, il y a une différence au niveau du cerveau. C'est le fait que leur front n'est pas comme nous redressé. Et donc, ça veut dire que derrière, que les lobes frontaux ne sont pas pareils que le nôtre. Donc, ça serait intéressant. On sait très bien ce qu'il y a. C'est notamment la projection dans l'avenir, etc. Tout ce qui a rapport avec le symbolisme, peut-être. Bon, de voir si ça influe sur justement une vision du monde ou pas, et cette différence peut-être avec nous. En tout cas, il a une pensée métaphysique. Oui, il a une pensée métaphysique, on le sait parce qu'il enterre ses morts, bon. Mais aussi, il a d'autres rites funéraires. En fin de compte, les rites funéraires, là aussi, sont plus diversifiés qu'on le croit. À l'époque, vous avez l'endocannibalisme comme rite funéraire. Vous avez, bien sûr, la sépulture. Donc, on se mange entre nous, hein, endocannibalisme. C'est-à-dire que je vais manger un bout de ma grand-mère. Voilà. C'est ça, l'endocannibalisme. Dans un rite funéraire très puissant, hein, faut pas faire pousser des cris parce que c'est très ritualisé, très fort. Et il y a probablement aussi l'inhumation de temps, c'est-à-dire qu'on laisse le cadavre et puis après on récupère tout partie du squelette. Donc forcément, il a conscience de sa mort, de la mort des autres. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais il n'y a pas que là. Il y a aussi là c'est très nouveau, il y a aussi tout le symbolisme au niveau de la parure. On pensait que la parure était avec Homo sapiens, pas du tout. Actuellement, on montre qu'il y a vraiment récupération des plumes d'oiseaux. Donc là les aussi, des picards, en plus d'être toujours les rapaces, et puis donc des oiseaux particuliers ou des oiseaux colorés. Et il y a aussi la récupération des cerfs. Là, je reviens de Crapina où j'ai été voir les cerfs d'oiseaux, justement là aussi d'aigles, qui ont été récupérés pour probablement monter en parure, peut-être pas parforer, mais en tout cas monter en parure. Donc là, il y a vraiment ces nouveautés aussi importantes. Donc on a l'utilisation de l'animal dans le monde symbolique. Et puis, contre toute attente, l'homme de Néandertal n'a jamais disparu, du moins au travers de 2% de nos gènes, en quelques mots. Oui, la disparition des Néandertals, ça avait coulé beaucoup d'encre. Là aussi, c'est progressif. Il faut bien faire attention que, probablement, pour moi, c'est engagé depuis au moins 50 000 ans. Et donc, ce n'est pas seulement l'arrivée de l'homme qui a fait disparaître. Il n'y a pas de génocide, hein, pour moi. C'est progressif, c'est un problème de démographie, de dilution, à la fois dans l'espace et peut-être justement dans les sapiens. Et puis nous avons tous un peu en nous de l'homme de Néandertal. Maëlène Patou, Matisse, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez publié plusieurs ouvrages, dont Néandertal, Une autre humanité, Madame de Néandertal, le dernier paru, Histoire de mammouth, publié chez Fayard Histoire. À la réalisation, Alexandra Malka, à la technique, Michel Mestre, attachée d'émission, Catherine Donnet. Vous pouvez bien sûr écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr.